Bien, alors je vais vous parler de la mémoire de la catastrophe, renouvelée par la vision des photographes au XIXe siècle, mémoire de la catastrophe de 79, mais aussi vécu des éruptions volcaniques du XIXe siècle, du Vésuve, que les habitants de la région et les touristes allaient voir. Alors je partirai en fait d'une citation du poète Stas dans ses Sylves, qui écrit relativement peu après l'éruption de 79, il écrit « Les siècles futurs pourront-ils croire quand les moissons repousseront et qu'enfin reverdiront ces déserts, que des villes et des populations sont englouties sous leurs pieds et que les campagnes de leurs ancêtres ont disparu dans la mer incendiée ?» En contraste avec cette citation romaine, je voudrais vous citer une remarque d'un visiteur de Pompéi au XIXe siècle qui écrit « C'est à sa mort que Pompéi doit son immortalité ». Et un petit peu plus loin, il ajoute, donc c'est en 1867, « Vous sentirez alors, à Pompéi, que tout a été plein de vie. » Donc je vais revenir sur ces concepts très opposés de la catastrophe. Sachant que l'apparition de la photographie a pu modifier la perception de l'éruption de 79 en tant que catastrophe historique majeure, on va le voir dans quelle mesure, et elle a pu également modifier la vision qu'on avait à l'époque du Vésuve en tant que volcan dangereux et encore très actif au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir sur cette photo inaugurale, la silhouette du Vésuve, au moment où la photographie se développe, est présentée le plus possible par les photographes professionnels comme dressée au-dessus des ruines de Pompéi, comme une présence menaçante et fumante, qui symbolise bien, à leurs yeux, une catastrophe potentielle, un risque en tout cas permanent et connu, qui rappelle à chacun, dans une sorte de vision un peu romantique, la disparition brutale d'une cité qui est présentée comme le symbole d'une civilisation brillante qui a brutalement été anéantie en quelques heures. Donc je vais vous parler de curiosité morbide, hein, de succès touristique des photographies du Vésuve, et je vais vous montrer combien le volcan est devenu un objet de curiosité, et d'ascension aussi, ce qui est tout à même fait à l'opposé aussi de cette curiosité morbide sur le site archéologique même. Alors je vais utiliser des sources qui sont en fait des fonds de photographie professionnels, qui sont celles, alors vous verrez les noms au fur et à mesure sur les diapos, hein, de célèbres photographes de l'époque qui ont des studios à l'époque dans la ville de Naples, mais également des boutiques à la sortie du site archéologique, ou bien des vendeurs qui sont sur des petits présentoirs. Alors, il s'appelait Giorgio Sommer, Roberto Rive, Alphonse Bernou, Michele Amodio. Je vais vous présenter aussi en contraste parfois quelques photos d'amateurs qui sont à la limite du professionnel quand même, puisqu'en fait, j'utilise un fonds qui se trouve à l'Institut national d'histoire de l'art et qui est le fonds de Pierre Guzman, qui est en cours d'études et qui va publier en fait un grand ouvrage aux yeux des chercheurs français sur Pompéi, en 1903, qui s'appelle « Pompéi, la ville, là il meurt, les arts », et qui utilise en fait la photographie comme support à ses dessins qu'il publie dans son ouvrage. Alors, il ne faut pas oublier non plus que la reproduction des photographies n'est pas une si grande évidence à l'époque, hein, donc la diffusion de ces photographies, en tout cas dans les ouvrages publiés, n'est pas évidente. Et puis, j'ai confronté tout ça avec les guides touristiques et récits des voyageurs qui sont allés sur le Vésuve et sur les sites pompéiens, puisque ça devient un inévitable des voyages en Italie. Donc je vais vous présenter ça sous deux aspects. Je vais commencer d'abord sur l'idée de la catastrophe spectacle, c'est-à-dire le Vésuve comme objet touristique au XIXe siècle, et puis j'en arriverai ensuite à l'horreur fascinante du cataclysme, et l'idée de mémoire face à l'agonie des victimes que vous voyez ici au premier plan, et j'ai voulu attirer votre attention là-dessus avec le Vésuve derrière, dans un deuxième temps qui étudiera le cas des moulages qui apparaissent comme un focus particulier des photographes du XIXe. Alors, juste en préambule à cette étude, et sur l'idée du volcan examiné comme objet touristique, je voudrais vous montrer ces photos de Guzman, qui est donc un amateur averti, et qui sort en fait du lot classique des photos qui sont vendues aux touristes, puisque lui il a fait ses photos pour sa propre publication. Et vous voyez, il est un des rares en fait, à prendre le Vésuve paisible, si j'ose dire. Alors, soit fumant, soit pas, mais avec en fait, les champs qui sont au-dessus de Pompéi et le Vésuve à l'arrière-plan, sans montrer nécessairement, alors il fait aussi des photos des ruines, mais sans montrer nécessairement le Vésuve comme une menace, hein, le côté paisible que l'on voit dans la citation de Stas. Voilà, ça me sert de transition vers des vues beaucoup plus habituelles des photographies professionnelles, des vues où un Vésuve semble être le cadre inévitable des photos de Naples. Hein. Là, vous avez une vue depuis la colline dite du Vomero dans les hauteurs de Naples, avec à l'arrière-plan le Vésuve et son cône principal à droite, fumant. Alors, il y en a des multiples, hein, plein, y compris dans des dépliants touristiques, comme vous en voyez un ici. Alors, ce que j'ai noté important ici, c'est que la photo a été retouchée dans la reproduction. On a accentué, en fait, physiquement, hein, au crayon, la fumée pour qu'il soit encore plus menaçant, conformément à l'image du Vésuve traditionnel. Alors, la catastrophe spectacle, c'est quoi? C'est l'idée le tourisme à l'époque s'appuie sur l'idée que le Vésuve est évidemment en toile de fond de toutes les photos de la région, mais surtout il attire comme image du monstre menaçant représentant la nature toute puissante. Il mérite l'ascension et il faut quand même reconnaître qu'à l'époque de ce milieu du 19e siècle où la photo se généralise, enfin généralise, disons s'accentue, notamment à partir de 1880, le Vésuve est très actif, en fait. Il n'a jamais été profondément inactif dans ces années-là. Les éruptions sont régulières, mais elles sont effusives, justement. Donc, elles ne sont pas explosives. Et c'est dans cette mesure-là qu'il n'y a pas d'effet de surprise de l'éruption. C'est-à-dire qu'on voit dans les récits de voyageurs, c'est « Ah, tiens, le Vésuve est parti en éruption. Je suis content, je suis là, je monte sur le Vésuve pour voir. » Donc, on cherche le sensationnel et le côté... sublime, comme ils l'écrivent, de l'éruption, on est ravi d'assister à cette éruption qui ne semble pas présentée comme la fin d'un monde, du tout. Contrairement, en fait, à la présentation qu'on fait de celle de 79, évidemment, qui est une éruption explosive. Donc il y a des éruptions en 1855, 61, 68, 72, 95, 1906. Donc voilà, une grande récurrence, plus ou moins importante selon les cas. Hein. Les deux de 72 et de 1906 sont des éruptions relativement importantes qui sont notées comme telles dans les guides touristiques. Je vous rappelle que la dernière a eu lieu en 1944. Et bon, voilà, si vous ne le savez pas, vu la fréquence des éruptions du Vésuve et en fait l'observation qui a été faite des éruptions importantes et moins importantes, la prochaine risque d'être énorme. C'est environ tous les 400 ans qu'il y a des très grosses. Et il n'y a pas eu de très grosses depuis 1600, pour vous donner une idée. Bon. Voilà, mais enfin, ça, ce n'est pas quelque chose qui était dans la tête des gens au 19e siècle. Alors, cette catastrophe spectacle, j'avance, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de la photographie, je vous ai mis quelques gravures tout à fait intéressantes où l'on voit le côté promenade amusante du sur le volcan. Alors on monte, les guides expliquent que c'est difficile de grimper le cône sommital, que c'est plus facile de descendre, qu'on se laisse glisser dans les cendres et que c'est amusant. Donc de ce fait, il y a des adjectifs un peu antinomiques hein, ou des qualificatifs. On dit que c'est un sublime spectacle, des belles horreurs. Le volcan a une espèce de double personnalité, il est à la fois un objet naturel, puisqu'au XIXe siècle, on a quand même l'idée d'objet scientifique, des études, qui apparaît, et puis une source d'images, expression du sublime et du surhumain, donc de cette toute-puissance de la nature. Alors, en fait, les touristes vont monter pour voir cette espèce de spectacle qu'ils qualifient de théâtral. Et toutes les photographies retranscrivent, donc on a des catalogues, en fait, à la disposition des touristes, qui sont là pour soit acheter un catalogue tout fait, soit choisir sur le catalogue global de la maison d'édition photographique, et ensuite se faire son propre catalogue. Et donc, parmi ces photos, on leur propose tout un choix qui va retranscrire ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils sont montés au Vésuve. Donc, on voit des touristes qui sont présentés comme montant systématiquement par un certain chemin. Vous voyez les différentes périodes d'aménagement, plus ou moins faciles, hein, de ce chemin, qui passe en fait par l'observatoire du Vésuve, qui est là, à gauche, et pour l'anecdote, qui passe à côté de l'observatoire, vous voyez la photo à gauche est postérieure à la photo de droite, par l'installation de vendeurs, c'est la photo en stéréoscopie qui est en bas, les montre assis au bord de la route, et tous les guides touristiques disent « on nous vendait le Lacryma Christi sur le chemin de la montée au Vésuve, c'était une étape obligatoire ». Le Lacryma Christi, c'est un vin du Vésuve. Enfin, en fait, ils sont pas naïfs, les guides, hein. Ils expliquent que souvent on leur vend une espèce de piquette atroce en prétendant que c'est formidable et que c'est le Lacryma Christi, donc que tout le monde doit trouver ça formidable. Donc, le tourisme s'est considérablement accentué depuis la construction de la voie ferrée qui part de Naples vers Sorrente, hein, qu'on appelle la Vésuviana aujourd'hui. Et donc, ces touristes veulent rapporter un souvenir de leur ascension. Alors, évidemment, n'y a pas un photographe en permanence qui va prendre ces dames ou ces messieurs que vous voyez ici en photo systématiquement pour ensuite leur vendre leurs photos, mais il a pris des touristes en photo à un moment donné et il vend en fait la photo type du touriste qui est monté voir les laves. Et puis les gens sont très contents d'avoir un souvenir qui ressemble à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Alors comme vous pouvez le voir, les photographies ont comme intérêt aussi de nous montrer un petit peu le comment on monte. Hein. Donc les dames peuvent être portées par des porteurs professionnels sur des chaises. Alors les guides touristiques que j'ai consultés expliquent bien qu'on a cette alternative. Hein. C'est vous montez à pied. Alors ils expliquent tout, mais je ne vais pas vous détailler parce que sinon je vais prendre 3 heures. Mais donc ils expliquent qu'on monte avec des charrettes depuis la voie ferrée. On arrive à un certain point, on doit arrêter les charrettes et puis on finit à pied, c'est difficile. Et éventuellement, on paye un porteur pour le cône final. Alors, vous les voyez en train de poser sur les laves. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, je vous demande de regarder attentivement le monsieur qui est là et celui-ci. Donc, les photos retranscrivent exactement une mode qui est à l'époque discernée par les guides, qui explique que certains guides locaux arrivent avec un grand bâton. Et quand il y a eu une éruption récente, sous la croûte refroidie, il y a suffisamment de chaleur pour qu'on puisse planter un bâton dans la masse et montrer que le bâton devient incandescent ou se consume, si vous voulez. Donc voilà, c'est l'attraction, c'est le jeu quand on monte. Alors quand on monte au sommet du... donc en fait, ce qui est tout à fait intéressant aussi, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est que les photographies montrent qu'il y a donc à cette période-là, 2 cratères, ce que disent aussi les guides, un cratère sommital et un cratère latéral inférieur que vous avez en fait ici, là. Excusez-moi, c'est pas facile de se retourner. Alors, un petit préambule, le gros problème des photographies à l'époque par rapport à ce qui se vendait avant, c'est-à-dire des gravures ou des peintures, parce qu'avant, évidemment, on achetait gravure ou peinture pour faire un souvenir, c'est qu'évidemment, il n'y a pas la couleur. Et donc, le gros handicap de ces photographes, c'est qu'ils ne peuvent pas montrer le côté sensationnel avec les laves rougeoyantes qui coulent éventuellement lors d'une éruption. Et donc, tout ce que vous voyez en photo qui a une espèce de fumée blanche, c'est en effet quand il y a une coulée éruptive ou des fumerolles. Mais la plupart du temps, c'est plus fort que ça. Donc voilà, on le sait parce qu'il y a des remarques comme quoi voilà, c'est un petit peu frustrant pour eux. Hein. Donc le côté lave orangé ou rouge de nuit qui était très privilégié par les peintres et par les graveurs, enfin, et ceux qui coloraient après, quand on était avant la photographie, bien, créer des frustrations pour les photographes. Bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez à droite, ici, pour le cratère, c'est tout à fait frappant. Donc, ils vont voir les laves. Et c'est très précis, en fait, dans les guides touristiques. Ils nous disent, j'ai vu les laves de 1872, j'ai vu telle coulée récente, je suis monté comme ci, comme ça. Enfin, voilà, c'est assez précis. Alors, ils ne rendent pas donc l'activité éruptive comme ils voudraient la rendre. Donc, vous voyez, là, on est en 1880. Il y a eu un aménagement qui a été financé par l'agence Cook d'une route de montée au cratère. Alors, ils ont installé une buvette et un accès payant, en fait, ce qui fait râler beaucoup les guides français. Donc, vous voyez la buvette à droite. Et puis, dans ces mêmes années, vous avez ensuite la construction du fameux funiculaire des années 1880. Donc, il y a tout un système qui est très managé par l'agence Cook, où en fait on sort du train, on monte avec des charrettes jusqu'à la gare inférieure du funiculaire et on monte dans ce fameux funiculaire dont je vous ai mis une photo des premiers wagons, enfin des, ce qu'on peut appeler ça des wagons, enfin des... Voilà. Voilà, vous avez ça qui est le mode de fonctionnement jusqu'au sommet du Vésuve, si on veut aller jusqu'au sommet. Donc voilà, le problème c'est rendre l'éruption en photo. Donc quand on rend l'éruption en photo, ça donne des choses. Alors la plus vieille éruption en photo que j'ai pu trouver, c'est 1859 par Alphonse Bernoux. Vous voyez la photo stéréoscopique en haut à gauche, qui est très faible au niveau des contrastes et qui en fait montre au centre, je ne sais pas si vous l'apercevez, ce qui est certainement une coulée, toujours effusive. Vous l'avez également en dessous dans une photo de rive et donc de loin sur la photo à droite. Donc la coulée elle-même est intéressante pour eux, mais mal rendue, semblerait-il, à leurs yeux par les photos. Évidemment, ils en font ce qu'ils peuvent, mais c'est comme ça, c'est une traînée blanche, comme vous pouvez le voir. Et à droite, je vous ai mis quand même une photo d'un amateur pour vous montrer aussi que, voilà, on a exactement le même principe, c'est-à-dire un premier plan avec des laves récentes, souvent la présence de l'humain pour faire échelle, et si possible, une coulée fumante à l'arrière en contraste. Alors, pour montrer le sensationnel et retrouver les sensations qu'on avait dans les gravures, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils colorent éventuellement la photo en noir et blanc. C'est relativement peu fréquent, ça fait perdre un petit peu de la finesse extraordinaire de ces photos du 19e siècle, parce que je ne vous ai pas amené d'originaux, mais j'en ai quelques-uns. Ce sont des photos d'une finesse remarquable, hein, vraiment. Et donc, voilà, là, vous avez, en fait, alors c'est complètement ridicule, mais ils ont coloré une espèce de masse rouge au sommet, ce qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, mais c'est pour donner l'effet d'eux. Voilà, hein, c'est encore plus prenant. Alors, ils ont coloré aussi la robe de la dame en rose. Alors, en 1872, en avril 1872, a lieu une grosse éruption. Et là, il y a un événement notable dans l'histoire de la photographie et du volcanisme et de la vulcanologie. C'est pour la première fois l'idée de séquencer une éruption, ce que ne pouvait pas faire un dessinateur. Il n'avait pas le temps. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, Giorgio Sommer est un photographe extraordinaire qui va depuis Naples prendre de façon séquencée toutes les demi-heures pendant quelques heures. L'éruption de 1872, qui est une assez grosse éruption. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Hein. J'ai essayé de retrouver les demi-heures. Donc, vous voyez, en fait, on retrouve. Bon, dire, sur les flancs, l'avancée des coulées n'est pas monstrueuse, mais si vous regardez bien les nuages, c'est pas les mêmes photos. Hein. Voilà. Et ça, c'est la fin. Enfin, il a arrêté ses photos vers 5 heures. Évidemment, le problème aussi pour la photo, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de photo de nuit à l'époque. Ça doit être acquis. Et je ne l'ai pas dit aussi, parce que, excusez-moi, je suis vraiment dans le corpus et je le maîtrise, mais tout le monde ne le sait pas. Le grand succès de ces photographies, c'est qu'elles se vendaient en plein de formats. C'est-à-dire que vous aviez des formats qui ressemblent à un 21-29-7 à peu près. Vous avez des formats dits de cabinet qui sont plus petits. Vous avez les formats cartes de visite et vous avez les formats stéréoscopiques que vous avez vus quand j'en ai mis mélangés au reste. Là, ce sont des grands formats. Et après, ça deviendra des cartes postales. Alors, ces photos de 1872 de Sommer sont devenues très connues. Il n'est pas le seul à en avoir fait, mais il est le seul à avoir séquencé comme ça. Et vous le voyez, en fait, Pierre Gusement, quand il va publier son grand ouvrage sur Pompéi, il va utiliser une photo de Sommer, une de celles que je viens de vous montrer, et il la dessine pour la publication. Puisqu'en fait, il ne reproduit pas les photographies, il fait des dessins d'après photographie. Et si vous regardez bien, en dessous de la légende d'éruption du Vésuve de 1872, il y a marqué « d'après une photographie ». Alors, les désastres, en fait, parce que finalement, là, on voit un Vésuve assez neutre et objet de curiosité. Les désastres sont présents. L'idée de catastrophe est présente. Mais en fait, elle est en mode mineur. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'éruption de 1872, on a des photographes qui sont allés prendre des photos de l'éruption sur les villages, c'est-à-dire l'avancée de la lave et la destruction. L'idée de la destruction, elle est possible, mais elle n'est pas le cœur de leur travail. Voilà, ils préfèrent montrer les touristes, en fait, sur le Vésuve. Donc, vous voyez ces photos avec les destructions. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on ne montre jamais... alors, vous voyez, celle de droite en haut montre la coulée, en fait, puisqu'on voit le halo blanc. Mais quand on montre les gens et l'idée de catastrophe, c'est en fait a posteriori, et c'est pas dans le côté morbide. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des récits de 1872. Il y avait beaucoup de touristes qui étaient montés, en fait, pour voir l'éruption. Et le lendemain matin, j'ai lu un récit qui dit « Pendant que j'étais reparti à Naples, j'ai appris qu'en fait, pendant la nuit, il y a un cratère qui s'est ouvert brutalement à l'endroit où il y avait les touristes. Et crac, ils se sont tous fait avoir par la coulée brutale. » Et en fait, ce genre de choses, on ne le voit pas en photo. On ne voit jamais la panique, on ne voit jamais les morts des années 1800. Et on voit l'après. Et vous voyez combien, en fait, il y a une espèce d'artifice de la sérénité post-catastrophe, enfin, qui ne voit pas la catastrophe comme telle. On voit la destruction, mais pas un côté catastrophiste, vous voyez, au premier plan, avec les habitants de San Sebastiano. Alors, en contraste avec ça, eh bien, à la même période, en fait, on a la mémoire de 79 qui est beaucoup plus catastrophiste. Le Vésuve est de toute façon montré le plus possible comme un élément menaçant derrière les ruines. Donc là, je vous ai fait une petite sélection, à la fois dans des cartes postales dessinées et des photographies de l'époque, hein, où vous voyez la vue inévitable, la plus courante, c'est le forum avec le Vésuve derrière. Éventuellement des vues panoramiques, comme à droite en haut, ou bien des maisons. Toujours le Vésuve fumant. Alors s'il ne fume pas au moment où on fait la photo, on rajoute sur négatif. Et l'amphithéâtre. Vous en avez d'autres, hein, des sites dans Pompéi qui montrent toujours ce Vésuve en arrière-plan. Et puis surtout, il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour la photographie à l'époque. C'est qu'en 1863, le surintendant, enfin, le chef des fouilles, qui s'appelle Fiorelli, va inventer la technique des moulages des corps sous la gangue de lave. Et là, les photos vont être un média qui va révéler au public les moulages et qui vont faire sensation. Et ça va être un booster terrible au tourisme pompéien, et Fiorelli en était parfaitement conscient. Et c'est la réalité de la mort brutale qui va être mise en place, c'est-à-dire le vécu de l'agonie. Et c'est quelque chose de nouveau, et ce sont les photos qui vont permettre de rendre public et de médiatiser, si j'ose dire, au niveau du XIXe siècle, cette réalité de la mort brutale, contrairement à ce qui était fait avant. Alors, je vous les montre. J'ai fait une sélection un peu drastique, mais j'ai fait la sélection qui me semble la plus révélatrice. Alors, une petite précision, ces moulages donc des corps sont appelés dans les légendes photographiques tantôt squelettes, tantôt morts, tantôt corps, tantôt empreintes humaines, ce qui est fait exprès pour en fait retirer l'idée de mort, ou rarement moulage. Donc le côté technique est relativement peu utilisé, sauf dans empreintes et moulages, et on retire assez facilement l'idée de mort de la légende. Pourtant, c'est bien sûr l'agonie que l'on met l'accent. C'est-à-dire qu'on ne montre pas ça comme un corps, alors que Fiorelli dit, lui, dans son rapport de fouille, qu'il voit ça comme un objet archéologique. Et les photographes, eux, ne le montrent pas tellement comme un objet archéologique, mais comme l'idée de capter le moment de l'agonie, et donc magnifier la catastrophe. Alors, le premier moulage qui a été fait n'était pas très réussi. Il faut savoir qu'il y a eu 4 premiers moulages qui ont été faits en 1863. Ensuite, il y a eu quelques années où les moulages ont échoué. Enfin, Fiorelli n'a pas réussi tous les moulages, mais ça, les auteurs ne le disent pas souvent. Et il n'y a pas de photos. Et puis ensuite, on reprend sur des moulages qui sont un peu plus réussis. Alors, les premiers moulages ont disparu parce qu'il y a eu un bombardement en 1943 qui a détruit une partie des moulages les plus anciens. Donc, celui-là, je peux vous le montrer que par des photos anciennes, d'où l'intérêt aussi de travailler sur la photographie ancienne. Donc, vous voyez, ces moulages, dès qu'ils sont pris en photo, vont être publiés dans les guides de Pompéi, tels que celui de droite, avec des dessins d'après-photographie. Et alors, ce qui m'a frappé, en fait, dans l'étude de ces moulages, c'est que quand on regarde ce que disent les guides touristiques ou les récits de voyageurs quand ils ont vu les moulages ou quand ils ont acheté les photographies pour les publier, c'est que leur commentaire, c'est un commentaire sur le pathos, sur le vécu de la catastrophe, hein, qui est magnifié. Donc, je vous ai mis des citations. Hein, le dernier combat. Alors, celui-ci, on l'interprétait comme l'homme en vêtements militaires. D'où des espèces de surinterprétations considérables, du genre il a vécu son dernier combat, il était sublime dans sa figure rigide et la mort qu'il attendait avec sérénité, il était courageux parce qu'il était forcément un militaire. Ce qui est évidemment remis en question depuis. Celle-ci, c'est extraordinaire. C'est un duo de moulage qui a été donc fait ensemble. Les premières photos qui ont été faites de ce duo, c'est celles dont le dessin est tiré à droite, hein, je ne vous ai pas tout remis, et après, en fait, on a justement, certains photographes ont fait exprès de les prendre sur des tréteaux devant le Vésuve, donc vous voyez toujours le côté symbolique du Vésuve fumant. Et vous voyez, les citations que je vous ai mises sont tout à fait évocatrices. Impossible de ne pas se sentir ému, c'est la douleur dans la mort qui acquiert de nouveau un corps et une figure. Ô Fiorelli, tu as découvert la douleur humaine et quiconque est homme le perçoit. Ou Marc Monnier, qui fait un guide de Pompéi en 1864, on voit la dernière heure de la jeune fille comme si on était là sous la colère du Vésuve. Donc les moulages pris en photo et dont sont tirés les dessins dans les publications sont un moyen en fait de revivre la catastrophe. Celui-ci a été très mis en valeur aussi à l'époque. C'est celui qu'on appelait celui de la femme enceinte parce qu'on considérait que l'attitude qui était analysée là, était celle de l'agonie et pas de la mort, qu'on voyait sa dernière heure, donc vous voyez encore une fois le placement devant le Vésuve, et je vous ai mis en contraste une photo postérieure aux premières photos, les premières elles sont toutes faites comme celle de gauche, et ensuite, vers les années 1890, on a les studios Broggi qui vont nous faire des vues beaucoup plus anatomiques, si j'ose dire, beaucoup plus désincarnées, avec le côté surplombant dans le musée des moulages. Et vous voyez qu'on n'a plus du tout le même rendu du pathos. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est que les gestes des bras vont être surinterprétés. On vous parle de spasme, de l'agonie. Quand le moulage est fait et que la personne avait été trouvée à plat ventre, en fait, quand on la présente, on fait exprès de la présenter à plat dos pour qu'on voit en fait le geste de l'agonie ou l'expression du visage, ce qui n'est pas conforme en fait à la découverte archéologique. Et ça, c'est tout à fait remarquable pour montrer l'idée de catastrophe. Alors, celle-là, elle est tellement célèbre qu'elle devient la couverture d'un guide. Et celui-ci a fait sensation aussi. Alors, il a fait sensation, mais pas très longtemps, parce qu'il n'était pas complet, et que quand les moulages n'étaient pas parfaits, eh bien, très rapidement, on passait au suivant. Celui-ci, il a fait sensation parce qu'on voit le squelette. C'est-à-dire que si vous regardez bien la tête, alors, on prend toujours les moulages de façon entière, hein, on ne prend jamais un gros plan sur la tête, la main ou autre, mais voilà, on a considéré que ce moulage-là, c'était, je cite Breton, « la personnification du désespoir poussée à son dernier paroxysme ». C'est-à-dire que quand on l'a trouvé, il était avec cette expression de crispation dans les mains et on voyait le squelette. Et donc le côté réalisme de la mort avec le squelette apparent, en plus du moulage qui montrait le spasme, a été considéré comme exemplaire de l'agonie des Vésuviens, enfin des Pompéiens. Voilà. Donc celui-ci a été très, très montré, sauf qu'il avait une jambe en moins. Donc après, on est passé à autre chose. Et l'ambiguïté, c'est qu'on vous montre en même temps à l'époque le numéro 7, c'est-à-dire celui qu'on appelle l'homme endormi, qui est le calme et la mort paisible. Donc on vous montre deux aspects de la mort. C'est le spasme de l'agonie terrible et en même temps le côté paisible et résigné de certains pompéiens. Donc on joue sur les deux côtés du vécu de la catastrophe. Donc celui-ci a été extrêmement reproduit. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement fait au niveau du moulage. Si vous regardez bien, les traits du visage sont formidables. Enfin, formidables, je veux dire, très précis. Et le chien a été extrêmement remarqué aussi. Alors, il se rapproche du vécu et du ressenti de celui de Gavius Rufus, là, c'est-à-dire celui où il y avait la tête en squelette, parce qu'il y a le spasme de l'agonie du chien qui a été attaché, en fait, au moment de l'éruption et qui est certainement mort, étouffé. Et là, je termine sur cet exemple-là. Alors, ceux-là sont un tout petit peu postérieurs. C'est une mise en scène complète du moment exact de la mort qui a été recherchée par les photographes. Et là, on est, comme je le disais, quelques années après. On est dans les moulages numéro 14 et 15, dans l'ordre chronologique. Et en fait, on les a trouvés ensemble dans la rue. Et comme vous le voyez, les photographes ont fait des photos qui sont mises en scène. C'est-à-dire qu'ils les ont... D'abord, ce n'est pas fait sur des tréteaux complètement hors contexte de découverte, ce qui était le cas des précédents. Mais ceux-là, on les a mis dans un contexte qui se veut parlant. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de les mettre à un endroit qui symbolise Pompéi avec des colonnes, le Vésuve derrière. Sur la photo de droite, on le voit bien. Sur les autres, on ne le voit pas bien. Et surtout, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on les a retournés encore une fois. Ils ont été découverts à plat ventre et on les a retournés pour que ça soit plus remarquable. Voilà. Donc vous voyez, on parle de convulsions atroces. Le vocabulaire est toujours le même. Donc on dramatise. Voilà. Et alors, on a dramatisé ô combien le petit garçon à gauche qui a été découvert en fait avec sa mère, mais le moulage de la mère a échoué. Donc si vous regardez bien, il lui manque un morceau de pied et des morceaux de bras. Et en fait, on a trouvé, au moment du moulage, on a trouvé la main de la mère sous une jambe. Et donc là, on a eu des spéculations. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la mémoire de la catastrophe, c'est, par la photographie et les moulages, de proposer des espèces de pseudo-récits réalistes du drame. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est parti dans des interprétations extraordinaires du genre « cet enfant était handicapé, sa mère l'a pris dans ses bras, elle est tombée, ils sont morts, et il n'a pas pu être sauvé parce qu'il avait ce handicap. » Parce que, en fait, le moulage est cassé. C'est-à-dire que le moulage, il faut savoir qu'il ne fonctionnait pas tout le temps en entier. Voilà. Et bon, voilà, la mère, on ne la voit pas parce que le moulage a échoué. Donc voilà, vous avez des espèces de théories du vécu qui sont extraordinaires et qui reposent sur le pathétique. Voilà. Et du coup, on replace, à partir des années 1890, des corps dans la rue pour donner le côté vécu. Alors je termine juste en vous montrant après ce que ça donne quand on les... Parce que les photos que vous avez dans les catalogues de vente à l'époque, ce sont des photos, des moulages qui ont été sortis pour les photographes professionnels de leur lieu de conservation. Et en fait, ils étaient montrés aux touristes dans des salles qui sont devenues en fait le petit musée de site qu'on appelait à un moment donné l'Antiquarium de Pompéi, à partir seulement de 1875. Et donc là, on a le côté un petit peu hors contexte de ces moulages, qui vont ensuite changer de place pour les visiteurs d'aujourd'hui. Ils sont dispersés sur le site. Voilà. Donc là, ça donne lieu à des publications qui vont utiliser les photographies des moulages. Vous retrouvez exactement les positions et le cadrage des photographies, mais en adaptation de dessin. Donc le paroxysme de la douleur, la personnification du désespoir, vous avez le droit à tout. Hein. Bon, les images terrifiantes, etc. Je vous passe les détails, hein, mais vous voyez, je vous ai mis les trois pages, par exemple, de Guzman. Alors aujourd'hui, les moulages, comme je le disais, hein, sont plutôt laissés. Alors, soit les anciens moulages sont mis sous vitrine, mais répartis dans le site, soit vous avez un regroupement. Donc ceux-là, par exemple, pour vous donner la différence en fait, des méthodes archéologiques par rapport à cette découverte des moulages, ils ont été faits donc, dans le dernier quart du XXe siècle, à peu près, non, un petit peu avant, et ils ont été regroupés. Alors, ils n'ont pas été trouvés sur cet endroit, ils ont été trouvés globalement dans une zone et ensuite regroupés à un endroit. Donc les gens croient que c'est comme ça qu'ils ont été regroupés, enfin trouvés. En fait, non, ils ont été replacés conformément à leur position, mais tous en même temps sous un auvent, en fait. Alors, pour conclure là-dessus, je voulais partir sur le sensationnel. Parce qu'en fait, vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué revient à dire, voilà, on montre un vécu de la catastrophe via les moulages et en même temps, On se familiarise avec le Vésuve qui devient quelque chose qu'on côtoie complètement, dont les guides de Naples utilisent le côté sensationnel pour en faire quelque chose de rentable. Ils vendent du vin, ils vendent les visites, ils accompagnent les gens, ils portent les chaises, tout ce que vous voulez. Et en fait, à l'époque, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a relativement peu d'effets de reconstitution de spectacle. On aurait pu s'y attendre. C'est à Minneapolis que l'on voit en 1890 la reconstitution avec effet pyrotechnique, Greatest Most Sublime Spectacle on Earth, donc de la catastrophe du Vésuve. Donc les reconstitutions de la catastrophe passent seulement par le vécu archéologique des moulages, mais pas du tout sur place. Hein. Non, mais ça existe quand même, hein, mais ce n'est pas sur place. Voilà. Donc sur place, en fait, les Pompéiens, ce sont des fantômes. Pourtant, en fait, à l'époque, on est parfaitement conscient qu'il y a une menace. Hein, je vous l'ai dit, hein, la récurrence des éruptions est bien connue. Il y a l'observatoire du Vésuve. Mais comme ce sont des éruptions effusives, en fait, on présente rarement ce genre de photos, c'est-à-dire un Vésuve qui semble proche des rues de Naples. Voyez, alors qu'en fait, on le sait, hein, je vous l'ai dit en préambule, s'il y a une grosse éruption, ça va être très grave pour la région du Vésuve. Hein. Les Napolitains en sont parfaitement conscients. Donc, pour conclure, l'intérêt pour les catastrophes naturelles a émergé dès 1700 environ. Au XIXe siècle, Pompéi est devenue une espèce de comparaison paradigmatique pour les catastrophes énormes. Quant à San Francisco, on a le tremblement de terre de 1906, on va le comparer à la situation de 1979. Et le Wall Street Journal, quand il a évoqué le 11 septembre 2001, a comparé aussi ce qui s'était passé avec 1979. Donc vous voyez le côté exemplaire du catastrophisme avec Pompéi. Alors, je vous l'ai dit, les reconstitutions de spectacles de gladiateurs à l'amphithéâtre ou de catastrophes sur Pompéi même ont eu relativement peu de succès dans ces années 1800. On préfère montrer la mort et le côté troublant et morbide de l'agonie. Voilà. Et pour conclure là-dessus aussi, on est encore, en fait, dans cette utilisation des moulages. Et vous voyez, là, j'ai trouvé cette photo très, très récente, hein, qui joue sur les contrastes avec le côté rougeoyant du ciel, à défaut d'une éruption récente, et le contraste avec un moulage qui est beaucoup plus récent que ceux que je vous ai montrés, mais qui joue encore sur le plâtre d'un côté et le squelette de l'autre. Voilà, je vous remercie.